histoire particulière. Connaissez-vous le Culan, la Tête Ronde, le glacier Saint-Florent ou la Quille du Diable? Ce sont des sommets, ceux du massif des Diablerets. Nous sommes en Suisse, au cœur des Alpes vaudoises. C'est magnifique et la nature offre des paysages d'une grande variété. Défilés étroits, alpages d'altitude, en passant par des lacs de montagne. Le massif des Diablerets trône, impressionnant, dôme montagneux, coiffé de son étincelant glacier. L'hiver, il est recouvert de plusieurs mètres de neige. L'été, le décor change radicalement. S'il subsiste des névés, le glacier présente son vrai visage. Allons-y, si vous le voulez bien, avec Michel Pomared et François Teste. J'étais vaché sur la montagne, vaché là-haut, chalet dedans. À ce nom seul, l'ennui me gagne, le mal d'ennui du bas vallon. Je montais sur les glocks pour voir, sur son toit bruni la fumée qui se perdait dans le lointain. Sur son toit bruni la fumée qui se perdait dans le lointain. Eh bien, vous savez, j'ai chanté cette chanson sur le bord du trou où ils ont sorti papa et maman. Et vous savez qu'ils ont sorti papa en premier. Le premier jour, ils ont sorti papa. Est-ce que vous savez comment ils ont sorti? Dans un bloc de glace? Oui, mais comment? Non. À la tronçonneuse. Et maman était encore plus profond. Mais papa et maman, ils faisaient bloc. Noces de glace. Le retour de Francine et Marcelin. Michel Pomared, François Teste. Une découverte surprenante dans les montagnes suisses. Un couple disparu il y a 75 ans a été retrouvé. Les corps étaient jusque-là prisonniers des glaces. Le réchauffement climatique les a fait remonter à la surface. Marcelin et Francine Dumoulin avaient disparu en 42. Ils laissaient derrière eux 7 enfants. Certains vivent toujours. Ils vont pouvoir enfin faire leur deuil. Marceline Udry Dumoulin, est-ce qu'on pourrait redonner la liste, mais les prénoms de tous les enfants? Candide. Candide, c'est le premier? Oui, il était du 29. Eugène était de 30. 31, c'est ma sœur qui est maintenant à l'hôpital. Monique. 32, c'était Anne-Marie qui est décédée. Et 34, c'est Charlie. Et puis Raphaël de 36, moi-même 38. Et puis mon petit frère 40, qui avait tout juste 2 ans, quand les parents sont partis. Et quand les parents sont partis, c'était ma sœur, qui avait 11 ans, qui s'occupait des 3 petits. Alors, votre sœur est à l'hôpital. Oui, c'est ça, Monique. Oui, elle est à l'hôpital, et elle n'est pas bien du tout. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais elle est tombée. Et puis, en tombant, elle s'est ouverte une jambe. Ouais. Et elle est encore pour quelques jours. Mais elle est fatiguée. Vous savez, 86 ans. 86 ans. Donc c'est votre sœur aînée? Oui. Pendant que maman était loin, c'était ma sœur Monique qui faisait les repas, qui était tout fait en somme au feu de bois. C'était le potager, et puis on n'avait pas d'eau chaude. Donc ma sœur avait l'habitude de s'occuper de nous. Et le jour où ils sont partis, eh bien ma sœur, elle a dit... Je suis sortie, c'était à peine jour. Depuis le balcon, j'ai dit au revoir à papa et à maman. Et puis ils ont dit, si on ne rentre pas ce soir, on rentre demain, on dormira au chalet. Et c'était le 15 août 1942. Oui. Et ils sont jamais revenus. Sauf le 13 juillet 2017. Oui. Voici les corps momifiés du couple retrouvés jeudi à plus de 2600 mètres d'altitude par un employé des remontées mécaniques. En observant de près les dépouilles, parfaitement conservées grâce au froid, le responsable du domaine a très vite compris le caractère exceptionnel de la découverte. On a vu une chaussure d'un homme, plus deux chaussures de femme, plus une partie du corps. Une partie des corps était encore sous la glace. Alors nous, on pense, comme on les a retrouvés ici, qu'ils sont tombés dans une crevasse et qu'ils sont morts dans la crevasse. Et comme on a dit, d'après les habits, ça peut bien être 70, 80 ou plus d'années qu'ils étaient enfermés dans le glacier. Salut Raymond. Ça va? Le voisin de papa. Oui. Ça, c'est un grand ami de la famille. Ah, mais vous êtes... Oui, mais comment ça se fait que vous êtes déjà là depuis Paris? Raymond, c'est mieux que tu t'asseyes ici. Toi, tu étais voisin de papa et maman. Nous, on était voisins, oui. C'était le cordonnier du village. Ah, mais Marcelin, c'était le... N'est-ce pas? Ils formaient un couple formidable, Marcelin et Francine. Et puis, c'est un couple qui jouait un rôle important dans la vie du village. Un petit village de montagne, à l'époque, on était pendant la guerre. Et Marcelin, il était cordonnier, artisan cordonnier, mais il travaillait aussi la campagne, il s'occupait du bétail, de la vigne. Et puis, Francine était institutrice, une personne très compétente, autoritaire, et savait se faire respecter. Et puis, ce qui était très bien, d'ailleurs, maintenant, c'est les élèves qui commandent aux instituteurs et aux institutrices. Non, Francine, alors, elle était... J'étais à l'école avec elle, et je me souviens que... C'était une personne qui aimait organiser, qui nous éduquait, qui... Et puis, alors, certains trouvaient qu'elle était un peu sévère, et puis d'autres trouvaient qu'il fallait le faire, c'était comme ça, pour dresser. Vous, en 42, vous aviez 15 ans. J'avais 15 ans, et puis, surtout, j'entendais ce qu'on disait, mais j'avais connu Marcelin dans son travail, j'avais été chez lui... une année avant, pour prendre mesure pour une paire de souliers, parce qu'à l'époque, on faisait pas des souliers comme maintenant. Maintenant, on achète des souliers, puis 6 mois après, on les jette. Mais à ce moment-là, c'était des souliers qui devaient durer longtemps, et puis qui se réparaient, parce que c'était du solide. Marceline Udry-Dumoulin, vous aviez 4 ans quand vos parents ont disparu le 15 août 1942. Est-ce que vous vous rappelez de la voix de votre père, qui en plus était renommé dans le village pour chanter, puisqu'il était baryton? Alors je vais vous dire une chose. J'ai pas de souvenir de mes parents, mais papa travaillait dans son atelier... qui était en face de la cuisine. Il y avait 2 escaliers, et puis on montait la cuisine. Et j'étais sous l'escalier à me mettre les chaussures, et papa avait mis dans une corbeille à linge, si on peut dire, le petit Maurice. Et il chantait « Marche, marche, marche, joyeux bataillon, bataillon qui marche au son de la musique. » Marche, marche, marche, et puis une voix grave. Et il faisait aller le berceau pour que le petit qui était dedans reste. Il était juste un peu... Alors ça, c'est le seul souvenir que j'ai de papa, mais je ne pourrais pas dire son visage. Mais sa voix, alors... Et moi, j'ai toujours chanté cette chanson. C'est comme je suis montée au glacier. Eh bien, j'étais là au bord du trou où ils ont sorti papa et maman. Mais c'était plus fort que moi. J'ai chanté la chanson à papa. Et de votre maman, est-ce que vous avez une image, un souvenir, un geste, un regard? Qu'est-ce qui vous est resté, vous, de votre maman? De ma maman, vous allez rire. On était au Maillet. Et puis, vous voyez, à l'époque, il y avait deux lits superposés. Et je devais dormir normalement à la paroi. Et maman, le matin, est venue avec une poêle. Et puis, elle avait grillé des oignons. Et il fallait manger ça. Je ne vois pas le visage de maman, mais c'était tout comme bon. Alors, j'ai su par après que c'était pour enlever les vers qu'on avait à l'intérieur de notre corps. C'est amusant. Le seul souvenir que j'ai. Raymond Dumoulin, est-ce que vous vous souvenez les jours qui ont suivi la disparition de Marcelin et de Francine et les mois du village et les recherches peut-être? Ah ben alors là, c'était le village était complètement bouleversé, pas seulement le village, la commune. Et puis comme il était ami de curé Jean, Pierre Jean qui était curé de Saint-Viesse pendant des années, tout de suite, ils se sont organisés pour aller essayer de retrouver les corps. Et puis pendant une quinzaine de jours, ils ont fouillé, cherché en long, en large, et ils n'ont rien trouvé. Pour finir, ben, ils sont restés prisonniers du glacier jusqu'à cette année. C'est quand même fou quand tu penses. Est-ce que vous êtes allé dans ces coins-là, oui, toute votre vie? Oui, on montait depuis les Mayens, que je dis, aux Alpages, puis après on arrivait au fond du glacier. Mais moi, je n'ai jamais traversé le glacier, parce qu'on avait toujours peur d'aller sur les glaciers à cause des crevasses et tout ça. Il fallait quand même faire attention. Hein. Mais on me disait que Marcelin connaissait le glacier comme sa poche. Et puis, parce que c'était un homme polyvalent, Marcelin. C'était un type fantastique. Il savait tout faire. Il était cordonnier. Il savait traire les vaches. Il savait travailler la vigne. Et il aurait pu faire chanteur d'opéra. Vous voulez que je revienne au début? Oui. Eh bien, le souvenir que j'ai, c'est de voir ma tante au fond des escaliers où montaient mes parents, parce que c'était une ruelle à l'époque, et ma tante qui pleurait. Ma tante qui pleurait, elle me tenait serrée dans ses bras, parce que j'étais la petite et ma grande sœur s'occupait du bébé. Vous voyez, qui était en haut dans l'appartement. Et elle me tenait, je vois toujours... Mais elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Et elle a gardé les 7 pendant 2 mois et demi. Pendant qu'on recherchait les parents, pendant qu'on délibérait pour savoir ce qu'on voulait faire de ces enfants. Parce que beaucoup ont demandé à nous adopter. Alors, le curé de l'époque, le curé Jean, il a dit « Aucun enfant de Marcelin... Mon ami vont sortir de Saviez. Je veux les avoir sous mes yeux. » Et c'est le pourquoi qu'on a été séparés. Le premier qui a été placé, à 13 ans, chez le boulanger. Pourquoi? Il était apte à porter le pain à l'époque. Il n'y avait pas... Pour venir à Chandolin, il n'y avait pas de route carrossable. C'était avec le mulet qu'on passait. Et celui... de 30, 12 ans, eh bien, chez le cordonnier. Papa était cordonnier. En même temps, il prenait le fils et les machines. Ensuite, ma sœur, elle a été chez ma marraine. Elle avait 11 ans. Donc, à 11 ans, on va déjà travailler dans la vigne, partout. C'était déjà une main-d'œuvre supplémentaire. L'autre frère a été élevé par une cousine de mon père qui était déjà assez âgée. Sa fille avait 40 ans. Je ne veux pas dire de détails, mais c'est celui qui a souffert le plus. Placer un gamin de 6 ans qu'avec des vieilles personnes et qui voient que le côté matériel, travailler, travailler. Parce qu'à l'époque, les enfants, eh bien, on devait travailler. Mais mon frère, c'est celui qui a souffert le plus. Il a été très malade. Monsieur le curé est venu me chercher là où j'habitais. Il faut m'accompagner parce que je pense que c'est la dernière fois que tu vas voir ton frère. Et on a prié avec le curé pendant une demi-heure, on priait le chapelet. Et il disait, Marcelin, Francine, mais venez sauver cet enfant. Ce serait mieux qu'il meure que de souffrir comme il souffre. Je ne sais pas si vous comprenez. Marceline Udry-Dumoulin, est-ce qu'on pourrait avoir des photos de vos parents? Oui. Mais j'ai peu de photos de mon père, mes parents. C'est des photocopies. Voilà. Donc vos parents? Oui. Francine? Francine. Marcelin. Marcelin portait la moustache? Oui. Et votre maman? Bien, maman. Moi, je la trouve tellement belle. Donc ça, c'est vous? Mais oui, ça, c'est moi. Exactement. Vous avez quel âge, là? Mais, eh bien, c'est la première année d'école. Et voyez comme je suis triste. Et puis, toutes les photos, elles étaient tristes pour moi. On ne peut pas voir la montagne. Pourquoi? Parce qu'elle, par contre, le haut de Cry, vous voyez, on voit la pointe. Eh bien, si vous êtes au sommet du haut de Cry, vous êtes en face du glacier de Zanfleuron. Et si la montagne là, ma sœur par exemple, depuis elle habite à Plancomté, eh bien, elle voit la pointe là. Et elle dit, quand je vois la pointe, je sais que je suis proche de papa et maman. Là, on va l'appeler parce qu'elle est à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles. Bonjour Monique. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Comme quand on est à l'hôpital. Dans un article qui vous était consacré, vous disiez que vous étiez une lionne. Donc vous êtes toujours une lionne? Un peu moins, mais ça va revenir. On va jusqu'au bout, on se bat, et puis on n'a pas peur de travailler. Monique, j'ai juste une seule question qui m'avait émue quand vous m'avez raconté, c'est que vous m'avez dit que toute votre vie, vous avez vu depuis votre maison la montagne où ont disparu vos parents. Tout à fait. Tout à fait, ça c'est des choses que je voyais depuis la fenêtre de ma cuisine, alors... Tous les matins, quand je voyais, il y avait toujours une petite larme qui s'échappait. Et puis après, ma foi, qu'est-ce qu'on veut? Et depuis qu'on les a retrouvés, il y a eu un tourbillon sans fin. Et le fait d'avoir retrouvé vos parents? Ils sont là, et puis qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas revenir en arrière sur les choses. Et moi, ça m'a remué parce que moi, j'ai... Ma soeur qui raconte beaucoup de choses, elle avait 4 ans, elle se rappelle pas de papa et de maman, parce que moi j'ai revécu ce que j'ai vécu quand papa et maman ont disparu, parce que c'est moi qui me suis occupé de mon jeune frère qui avait 2 ans, de ma soeur qui avait 4 ans, et puis mon autre frère qui avait 6 ans, 8 ans, et j'avais 11 ans. Et papa m'avait confié que de m'occuper pendant leur... normalement, si j'aurais pas eu ce malheur, ils étaient absents pour 3 jours, maximum. Et puis après, eh ben, on a tout rouvert les plaies de 1942. Monique, quelle image vous avez gardée en vous pendant 75 ans de votre père et de votre mère? Une image merveilleuse. Des parents comme ça, aussi gentils, aussi... Papa chantait tout le temps, il avait une voix merveilleuse. Il nous a... Et maman également, puisqu'elle était institutrice. Eh bien, c'était des parents merveilleux qu'on ne trouve plus maintenant leur modèle. Que vos parents sont partis, le glacier a diminué de 45 mètres d'épaisseur, c'est-à-dire la hauteur d'un immeuble de 15 étages, et a reculé de 200 mètres. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'en 1957, si je vous montre une photo où mon frère, le prêtre, a été dire la messe au mois de septembre, je ne peux plus vous dire, si, je crois que j'ai noté en quelque part, il a été dire la messe avant de partir à Madagascar. Et mes deux frères qui étaient maçons, Charles et puis Raphaël, ont fait la croix et puis l'autel pour dire la messe avec la neige qui était au pied de la quille du diable. Ça vous dit quelque chose? La quille du diable, c'est là où... Ils ont mis la plaquette. La plaquette à l'époque, et là aujourd'hui, il y a la nouvelle inscription, ont été retrouvées le 13 juillet 2017. Je compte pas le nombre de fois que je suis montée au glacier. Et j'ai vécu la tempête qu'ont vécu mes parents. Eh bien, celui qui n'a pas été au glacier ne se rend pas compte. J'étais avec mon frère Charlie qui est décédé l'année passée, un autre ami et mon mari. Et on était montés la veille du 15 août, puis on a dit... On monte le 14 à la quille, et puis le lendemain, on va à la messe. Parce qu'il y avait, il y a toujours la messe le 15 août à la cabane de Prarocher, qui se trouve bien plus bas que la quille du diable. Eh bien, on est monté, mais un temps mais sublime. On arrive là, moi j'ai mis la bougie au pied de la, parce qu'il y a un joli support. Eh bien, j'ai mis la bougie, et puis mon mari avec son copain et puis mon frère, ils ont ouvert le sac pour manger. Le temps que moi je prie un autre père, mais est venue une nuée, ces glaces, neige, vous ne pouvez pas comprendre. C'est inimaginable. C'est pour dire que ça vient, mais en fraction de seconde. Eh bien, celui qui n'a pas vécu ça ne peut pas se rendre compte. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu un orage, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Eh bien, moi j'ai le témoignage de mon oncle Basile, qui est décédé maintenant, qui était en France. Il a dit, lui, il était vaché à Saint-Florent. Et quand il a vu arriver, ils appelaient la noire sur le glacier, il a dit, je vais prendre les jumelles, parce que je crois que je vais voir Marcelin pour la dernière fois. La noire, ça veut dire quoi? Mais l'orage. Parce que quand nuage noir. Le nuage noir indique que le... C'est ce qu'on... La noire, c'est ça? La noire. Oui. Comme si c'était la mort qui arrivait à travers un nuage. Oui, mais parce que ça vient mais comme un éclair. Ma Marceline Hudry-Dumoulin, vous disiez tout à l'heure, pour retrouver vos parents qui étaient pris dans un même bloc, il a dû y avoir l'usage d'une tronçonneuse, donc ils ont tronçonné la glace. Oui. C'est ça. Et est-ce qu'après, ils ont dû prendre, je sais pas, une grue pour retirer non, le bloc? Non, mais en haut, sur le glacier. C'était avec le comment on dit, ils ont fait avec l'hélicoptère. Mais ils ont d'abord, le premier jour, ils ont sorti papa. Et puis le deuxième jour, ils ont passé maman. Parce que les gendarmes qui étaient là, mais ils n'ont pas passé seulement une heure de temps. C'était... Est-ce que vous avez vu les corps de vos parents? Non. Notre fils qui s'est tout occupé pour l'ensevelissement, il a dit, c'est exclu de les voir. Parce que une fois dehors du glacier... Ça se décomposait. Les corps se sont décomposés. Oui. Alors, quand ils ont pris les veufrés, les pompes funèbres, pour prendre depuis l'aéroport jusqu'à l'hôpital, ils ont mis dans les housses et la fermeture éclair tout de suite. Et puis après, c'est ceux de la police qui ont été là pour... Ils les ont vus en sortant. Ils étaient encore entiers. Mais Yann, qui était là-haut, qui a retrouvé, mais les a vus, il a dit, il y a trois chaussures. Donc, il y a deux personnes. Mais alors, il serait mort en tombant déjà, je pense. Oh, moi, je pense que, quand j'ai vu comme elles sont les jambes de maman, c'est... Ça a été cassé. Et puis, maman avait des chaussures neuves. Et quand on était à la police pour voir les affaires des parents, si on s'intéressait à garder, on est plusieurs en famille, il y avait des neveux, il y a une nièce qui dit « Oh, mais je prenais bien la bague de grand-maman. » Et puis, j'ai dit « Mais laissons toutes les affaires ensemble. » Et puis, après, ils nous ont demandé pour les habits, qu'est-ce qu'on... Mais les habits, papa, il avait les pantalons du drap. Pantalons de drap? Oui, et les grosses chaussures à tricouni, maman, les souliers à clous. Mais t'as pas vu, moi j'ai les photos là. Mais ça, c'est des choses que nous, si moi j'aurais pris les souliers à papa ou bien les souliers à maman, j'aurais eu un souvenir ici à la maison. Ouais. Mais après moi, qui? Ouais. Autant laisser au musée cantonal. Le retour de Francine et Marcelin avec Marceline Hudry-Dumoulin, Monique Cocci et Raymond Dumoulin. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomared. Demain, ce sera le second épisode, à 13h30.